Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Cynix, l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant deux heures chaque semaine, on parle de choses geek, on parle de choses nerd. Peu importe comment vous voulez les appeler, c'est de ça qu'on parle, technologie, informatique et jeux vidéo. Mais cette semaine, c'est spécial autour du net. On va vous passer toutes les capsules autour du net de la saison. Ça, c'est où on parle de sites web intéressants, de choses à faire, le fun pour passer un après-midi de temps à perdre son temps sur Internet. Hein? On commencera ça après cette pièce musicale des gigolos. Voici donc un classique des palmarès de C'est fou, c'est la guerre des mondes. C'est à CNX dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est fou ça! Gigolo et la pièce La guerre des mondes à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Cette semaine, c'est spécial autour du net et voici la première capsule, celle du 9 juillet. Alors, on va faire un petit tour des choses qui sont passées sur Internet cette semaine. Beaucoup de vidéos, étrangement, cette semaine. Donc, je vais en parler rapidement. Commençons par un nouveau de College Humor, qui sont toujours vraiment bons, leurs vidéos de College Humor. Toujours très, très drôles. Celui-là s'appelle 5 Minutes Back. Hein, 5 minutes back. Après avoir regardé une mauvaise vidéo de 5 minutes, Larry décide de construire une machine à remonter dans le temps pour retourner en arrière et s'empêcher de ne pas le regarder. Et ensuite, il répète son erreur encore et encore et encore. Donc, c'est sur collegehumor.com. Ça s'appelle 5 minutes back. Vous pouvez passer par le site de l'émission au www.unechance.com. Ensuite, CrispyGamer.com nous raconte l'histoire de 9 personnages de jeux vidéo qui sont apparus une fois dans leur série pour ensuite jamais réapparaître. Ils auraient pu devenir des vedettes, mais non, ils sont disparus. Que ce soit Gabby J dans Super Punch-Out, ou encore Gen dans Riven, ou Wart dans Mario Bros. 2, et Mug dans Final Fantasy 6. Allez voir le décompte des 9 personnages qui sont apparus une seule fois dans leur série. Une explication de qu'est-ce qui se faisait dans le jeu, là, et où est-il maintenant. Des genres de Where Are They Now, un peu à la Musimax. Bref, allez voir ça, unechance.com. Tiens, Rage Against the Machines, c'est un peu comme ça qu'on appelle le prochain article. C'est le top 10 des freakouts de nerd, les plus drôles de tous les temps. Vous avez sûrement vu la vidéo dont on parlait la semaine dernière du gars qui capote parce que sa mère lui enlève son abonnement à World of Warcraft. Ça a fait le tour de la planète, ça. On en parlait dans la dernière édition de CNX, la plus récente. Bref, ici un top 10 sur manofest.com de d'autres gens qui capotent à cause de jeux vidéo. Allez voir ça, c'est sur unechance.com, celui qui frappe avec son clavier, celui, le Angry Halo 2 Kid, le traître et le gars fâché à cause de Halo. Tout ça dans l'article du manofest.com. Allez voir unechance.com. Hein? Une autre vidéo, tiens, si Google était votre coloc, si on veut, ça s'appelle Roommates, de ceux qui ont fait The Defenders of Stan. C'est une toute nouvelle série web que vous cherchiez, parce que chercher Google, blablabla, super drôle. Bref, il y a une suite, une deuxième partie qui a eu lieu récemment, l'autre c'était là, genre un an, le premier épisode, et le deuxième vient tout juste de sortir, donc c'est pour ça que j'en parle. Allez voir ça, c'est Roommates, dans le fond c'est l'histoire d'un gars, Google en tant que tel, qui vient habiter avec deux autres gars. Et puis là, on le voit tout en train de prendre des photos, un peu comme comme Google avec leur Google Maps. Et puis, il sait tout sur tout le monde, etc., etc. Voilà, et ça s'appelle Roommates. Vidéo stupide maintenant, je sais pas, je trouve ça cool. Tout le monde en parle de cette vidéo-là. C'est un homme qui contrôle une très, très grosse pince mécanique. Là, genre, ça ressemble à une araignée, cette affaire-là, faite de métal. Il contrôle ça avec une télécommande de Nintendo Wii. Puis il a modifié sa grapple, qu'on appelle, pour fonctionner avec la Wii. C'est 15 tonnes. Ça pèse 15 tonnes, cette affaire-là. Bref, c'est contrôlé par une Wii. Allez voir la vidéo. Muy intéressante, dit l'article de CrunchGear.com. La tour Sears a ouvert The Ledge au public plus tôt cette semaine. The Ledge, c'est un balcon de vitre de 4 pieds qui est suspendu à 1353 pieds au-dessus du sol, au 103e étage. Ça donne une vue panoramique de Chicago, mais les murs sont transparents et le plancher est transparent aussi. Bref, un bout du plancher, la plaquette de 4 pieds. Bref, vous mettez là-dessus, vous avez l'impression d'être dans les airs, de voler. Et puis, ben, la raison que j'en parle, c'est que sur Internet, il y a quelqu'un qui a posté tout plein de photos de ça. Donc, allez les voir, c'est vraiment impressionnant. Ça vient de Yahoo News. Inspiré par la carte mère du iPhone, c'est vrai que c'est très joli, ça. Sarah a fait à son copain James une carte mère de iPhone en bonbon. C'est-tu pas merveilleux, ça? Oui. Elle était inspirée par ça et puis elle a choisi des bonbons qui allaient avec, donc du chocolat noir pour la base. Ensuite, couvert de glaçage vert. Les résistors sont des tic-tac. Des tic-tac? Malade. Bref, allez voir ça. Unechance.com, ça vient de geekologie.com. Un artiste nommé James Cotty a créé une œuvre, une collection même d'œuvres. Ça s'appelle Splatter, qui mettent en vedette des dessins animés de notre enfance ou de l'enfance de quelques gens, j'en suis certain, mais en les rendant un petit peu plus ensanglantés, comme on pourrait dire. Donc, c'est un artiste pop qui reprend les classiques de Warner Brothers et Hanna-Barbera et leur donne un style Sin City avec plein de sang partout. Des actes de violence dans les dessins animés qui, selon la loi des dessins animés, ne peuvent pas causer la mort. Oh, c'est bon. J'adore ça. Voyez Bugs Bunny tirer sur Daffy Duck. Il y a Sylvestre en train de manger Tweety. Tom et Jerry, évidemment. Uh-huh. Et voilà, donc allez voir tout ça. Il y a même une vidéo de comment ça a été fait. Hein? Tu comment ça a été fait? Oui, Splatter Vision, voilà. Allez voir donc le unechance.com, c'est Cartoons the Way They Should Have Been. Une autre artiste, Yiying Lu. C'est elle qui a fait la Twitter Failwell. Vous savez, sur Twitter.com, quand le service marche pas, qu'il y a une erreur de serveur ou quelque chose du genre, on voit toujours la Failwell. C'est une grosse baleine blanche qui se fait tirer par des petits oiseaux qui sont le logo de Twitter. Bref, une image qui apparaît seulement lorsque le site ne fonctionne pas. Et bien, il y a un an, Twitter était tellement instable que l'échec a montré la baleine à des centaines de milliers d'utilisateurs presque à chaque jour. Et voilà, donc l'histoire est née. L'image a été montrée partout, liée, envoyée, utilisée, réutilisée, tellement que c'est devenu une icône sur Internet, surtout aux États-Unis. Pour justement rendre hommage à ça, hein, Lou a créé un site avec toutes les fail whales, les images reliées aux fail whales qu'elle peut trouver. Une collection gigantesque, il y a des hommages, des statues, des gâteaux, des étiquettes de bière, la baleine est partout. Allez voir la collection complète sur le site de Lou au whatisfailwhale.info ou passer par le unechance.com. Tiens, un article de Dominique Arpin sur son site dominiquearpin.ca qui m'intriguait cette semaine. La compagnie Olympus a mis le paquet pour faire la promotion de ses appareils photo dans sa dernière publicité. Et bien, plus de 60 000 photos ont été prises pour concevoir ce stop motion absolument génial. Allez voir la vidéo qui est dans l'article, la vidéo sur YouTube. Dominique dit, même si le concepteur de la pub remercie les artistes qui l'ont inspiré pour son clip, ils sont plusieurs sur YouTube à lui reprocher d'avoir carrément volé l'idée de l'utilisateur japonais Doku Junyu et son stop motion with Wolf and Pig dont on a parlé ici à CNX. J'avoue que les ressemblances sont assez frappantes, dit Dominique. Bref, allez voir l'article sur lunechance.com pour regarder les deux vidéos et faites-vous votre propre idée. Et pour terminer, tiens, des photos de gens célèbres avec leur face à l'envers. Oui, page après page de cet effet plutôt bizarre qui est appliqué à des gens bien connus. On dit dans l'article de bungbung.net que la photo de James Earl Jones ressemble pas mal à sa vraie photo à l'endroit comme à l'envers. Il est comme, ben c'est vrai. C'est vrai avec sa barbe et ses cheveux qui se ressemblent tellement. Bref, il y a des gens comme ça hein, qui ont une barbe pareil comme les cheveux ou le contraire. Sinon, il y a George W. Bush. Il y en a plein d'autres sur le blog. J'adore ça. C'est sur freakingnews.com. C'est juste des photos de gens avec leur face remise à l'endroit lorsqu'on vire la photo au complet à l'envers. Bref, faut aller voir pour comprendre, mais c'est vraiment très, très bien fait. Et les gens doivent passer plusieurs minutes, /heures en masse là-dessus. C'est pas évident de faire ça avec Photoshop. C'était la capsule du 9 juillet de Autour du Net, ici à CNX, émission la plus geek de la radio. Et je réalise que je dis beaucoup de mots bref, hein. C'est gosse. Il y aura une autre capsule Autour du Net et d'autres pendant le reste de l'émission parce qu'on les rassemble tout ensemble, ces capsules Autour du Net de la session d'été. Mais en musique, tout de suite, voici New York Dolls et Cause I Says So. Vous êtes assez fous, 89.fm. Les New York Dolls et la pièce de leur album « Cause I Says So », ça vient du palmarès anglophone de C'est Fou. Et vous êtes à CNX, émission la plus geek de la radio. Cette semaine, c'est spécial Autour du Net. Et on continue avec la deuxième capsule du 9 juillet. On commence cette section Autour du Net avec les avions. Vous connaissez les avions, vous savez ce que c'est, ces appareils qui volent. Peut-être que vous ne saviez pas, par contre, qu'une toilette dans un avion, ça aspire en moutadine. Hein? Donc, une vidéo postée par boingboing.net qui nous montre le Airplane Toilet Paper Experiment. Un gars prend un rouleau de papier de toilette, le plonge un des bouts dans la toilette, déroule le rouleau jusqu'à l'autre bout de l'avion, genre super, super loin, appuie sur la chasse et... Exactement comme ça, le papier de toilette se fait aspirer au grand complet jusque dans la toilette. Bref, allez voir la vidéo sur le www.unechance.com. C'est dans la section, bien sûr, Autour du Net. Petit survol là-dessus parce que bien des gens en parlent, ça fait le tour de Facebook, ça fait le tour de Twitter et de tous les sites d'Internet. On vous montre la collection de jeux vidéo et de choses par rapport aux jeux vidéo de Michael Jackson. Grosse collection d'arcades et de plein de choses comme ça qui devaient être vendues aux enchères. L'enchère a été annulée, mais Jackson a quand même continué de montrer ses affaires au Julian's Beverly Hills. Hein? Donc allez voir les photos et soyez impressionnés sur unechance.com. Tiens, ça c'est quoi ça? C'est un remake de Portal, le jeu de Valve Portal en ASCII. On appelle ça ASCII Portal. Hein? Allez voir ça. Ça a déjà été fait en Flash, oui, apparemment, mais pas comme ça, pas en ASCII. Allez voir la vidéo et soyez renseignés et impressionnés encore là. Tiens, une vidéo de parodie Twitter Police. C'est un petit peu une parodie de Cops, hein, et d'autres émissions policières qui ont existé depuis la popularité de Cops. Mais ici, on parle de Twitter. Donc, c'est des gens qui postent des mauvaises affaires sur Twitter, des affaires dont on se fout, par exemple, genre de quoi tu manges, qu'est-ce que tu as mangé comme déjeuner. C'est ça qui fait que les gens pensent que c'est ça, Twitter. C'est pas ça, Twitter. C'est des nouvelles, c'est des choses intéressantes, des mises à jour de tes amis ou de vedettes ou d'émissions de télé ou de films. Tu prends des choses là avant tout le monde. Mais bref, il y en a qui parlent de leur taco qu'ils ont mangé pour dîner. Et c'est un peu l'idée derrière cette parodie Twitter Police. Allez voir unechance.com. Ça vient de The Landline TV, évidemment, langage qui pourrait ne pas être approprié au bureau. Hein? Tiens, une autre vidéo très populaire cette semaine, le First Person Shooter Disease, la maladie du shooter, la première personne, ou ce qu'on appelle communément le Duke Nukem Disease. Allez voir cette vidéo-là, encore une parodie, toujours très drôle. C'est sur unechance.com. Ici, c'est pas une parodie, ça a l'air d'être une parodie, mais ça n'en est pas une. Don't copy that floppy. Une vidéo de, je crois, 1992. Golden Oldie, comme on dit sur thenextweb.com, une des vidéos très impressionnantes de cette semaine, une des vidéos qui m'a le plus titillé. C'est une vidéo genre d'annonce publique, là, tu sais, de service public qui nous dit de ne pas copier de disquette. C'est un beau petit sketch avec des adolescents dans leur classe qui veulent copier un jeu pour aller jouer à la maison. Et non seulement ça, donc copier Dead Floppy, mais en plus, il y a une suite à ça. Une suite avec le même rapper, parce qu'évidemment, dans les années 90, il fallait avoir un rapper sur une annonce de service public. Bref, la suite, allez voir ça, très très moderne, très chic, très Matrix. Dominique Harpin parle d'une publicité pour Evian que vous allez certainement recevoir par courriel dans les prochains jours parce que c'est très très cute, puis tout le monde en parle, puis votre grand-mère va adorer ça aussi. Donc depuis quelques semaines, l'eau Evian nous titille avec une série de vidéos de bébés qui font du breakdance. Les clips ont été tournés pour laisser croire aux internautes qu'ils étaient amateurs et véridiques. Oui, c'est ça. Même s'il était très évident qu'ils avaient été conçus par un ordinateur. Sans blague. Bref, vous pouvez voir ça sur le site de Evian, evianlevyong.digitalfactory.pro. C'est pas leur site, c'est le site où ils ont mis leur teaser. Mais bref, allez voir l'article sur unechance.com. La publicité en tant que telle, la longue version de la publicité, est dans l'article. Toujours Dominique Harpin qui parle d'un groupe japonais Sour qui a fait appel à ses fans à travers le monde afin de participer au vidéoclip de leur chanson Ibi no Teiro ou Tone of Every Day. Chaque fan était invité à se filmer grâce à leur webcam selon une chorégraphie créée par le band. Le résultat est stupéfiant, dit Dominique Harpin, un projet d'art collaboratif comme on en voit rarement. Donc allez voir les vidéos qui s'approchent de la caméra pour en former un nouveau très bien fait sur unechance.com. Un vidéoclip fait à partir de webcam. Sinon, on manque de temps, donc rapidement, Bayonetta sort ses effets visuels. C'est sur le Platinum Games blog. On explique qu'un employé Kudo, qui s'appelle Kudo, travaillait sur les effets spéciaux de Bayonetta. Il explique ce que ça veut dire, ces effets spéciaux-là, en nous montrant de quoi ça a l'air sans les effets spéciaux. Donc, allez voir dans l'article, il y a la vidéo avec les effets spéciaux et sans les effets spéciaux. C'est très impressionnant de voir comment un jeu peut se fier et se servir de ces effets spéciaux-là de façon impressionnante quand même. Train Factor, Trains in Games, ça va être dur à dire. C'est Trains in Games par Thorsten Kammer. Hein, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est un site web qui est dévoué seulement aux erreurs par rapport aux trains dans les jeux vidéo. Donc, c'est les erreurs que les développeurs de jeux ont fait avec des trains parce que, tu sais, quand les gens ne connaissent pas les trains, ils font des erreurs de gens qui connaissent pas les trains. Et c'est ce que ce blog-là fait. Un peu comme moi, des fois, quand je remarque une émission de télé qui montre un ordinateur ou genre un gars qui essaie de se loguer sur un ordinateur en tapant 5-6 mots, puis à un moment donné, whoop, il l'a, puis là, ça fait bip, bip, bip, puis il y a des bips d'ordinateur qui pourraient jamais arriver dans la vraie vie. Ben, eux autres, c'est ma femme avec des trains. C'est quand tu connais pas le domaine, tu fais des erreurs. Vidéo avec Donkey Kong en post-it sur une grosse, grosse bâtisse. Ils ont fait marcher Mario et Donkey Kong et la princesse sur des échafaudages d'une bâtisse. C'est vraiment cute. C'est la compagnie... Je sais pas c'est qui l'a fait, en fait. Mais c'est 3M qui devrait acheter le concept pour faire une publicité télé, c'est ce que ça dit. Et on termine avec deux petits liens rapides. EternalMoonwalk.com. Ça aussi, ça fait le tour d'Internet cette semaine. EternalMoonwalk.com. C'est un site flash où on montre des gens faire du moonwalk et glisser dans la prochaine photo. Et ensuite, tout ça se tasse, jouit, pour devenir une autre personne qui fait aussi un moonwalk. Par exemple, ça peut être à Tokyo, ça peut être aux États-Unis, au Canada, n'importe quoi. Et là, il recule et ça va vers une longue, longue distance. Là, je suis rendu à 180 mètres depuis que j'étais parti tantôt. Là, on voit quelqu'un faire le moonwalk avec ses doigts à Amsterdam. Ensuite, quelqu'un qui le fait avec un drôle de chapeau. Quelqu'un à Rome qui le fait très, très lentement dans sa maison. L'autre le fait dehors sur un trottoir. Et ça se suit l'un dans l'autre. C'est vraiment très, très bien fait. C'est très fluide. Et c'est par Studio Brussel. Ça dit Life ou Brussels. Life is music. Bref, c'est EternalMoonwalk.com, un des sites qui fait fureur en ce moment sur Internet. C'était la capsule du 9 juillet 2009. Ici à CNX, l'émission la plus geek de la radio, on parle d'une capsule autour du net parce que c'est ce qu'on fait pendant toute l'émission cette semaine. On repasse les meilleures capsules d'autour du net. Allez voir le assemblage Reki.com pour tous les liens de toutes les capsules. Elles sont postées dans l'ordre de leur diffusion dans l'émission d'aujourd'hui en direct, comme si on est le jeudi matin. Allez voir assemblage Reki.com. Tantôt, une autre chronique du début du mois de juillet, mais tout de suite, voici Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse. Vous êtes à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance ton héritage américain. Dans la rue c'est différent, ça roule, tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule, point fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la voie lactée. Ce soir, sorbet carbonisé fond dans l'horizon démentiel, tu piques à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu vois l'éclipse comme une tasse de thé. partait dans tous les sens. Y'aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu joues du jazz avec l'apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Le spécial autour du net de CNX revient après la pause à C'est fou 89.1 FM. Bon retour, vous êtes toujours à CNX, l'émission la plus geek de la radio. C'était bon retour que je voulais dire. Bref, bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Sinon, ben merci quand même d'être là. C'est spécial autour du net cette semaine. Donc, on compile toutes les capsules autour du net qui ont eu lieu dans CNX depuis le début de la session d'été, depuis mai, je crois. C'est très, très le fun. On aime ça. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com, c'est là que se retrouvent tous les liens en ordre de leur parution dans l'émission de cette semaine. Comme ça, à la mi-août. Hein, je dirais en direct le jeudi matin à 11h. On rappelle, le mercredi à 15h, c'est notre heure de diffusion pour le reste de l'été. Il n'en reste pas très long à cet été-là. En musique, tout de suite, voici Metric et Satellite Mind. Vous êtes sur les ondes de CNX au 89.fm. C'est fou. Jusqu'à tantôt. Mathieu, qui est la pièce Satellite Mind de l'album Fantasies ici à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Vous êtes à l'intérieur du spécial Autour du Net où on compile toutes les capsules autour du net de la session à CNX. Maintenant, ben voici celle du 2 juillet. Il se passe toujours autant de choses chaque semaine sur Internet et c'est pour ça que Autour du Net existe. On parle de tout ce qui se passe d'intéressant sur Internet, ou en tout cas moi, j'ai trouvé ça intéressant ces affaires-là. Anna Lowen est une fille qui a vraiment travaillé fort sur son nouveau site web qui s'appelle ismichaeljacksonstillalive.com. Là, tu tapes ça, ismichaeljacksonstillalive.com, et ta réponse est pas mal toujours non. Pas mal toujours. Il y a bien des gens qui pensent que c'est une blague qui n'a pas de goût du tout. C'est tasteless. Il y a même des gens sur le forum de Volkswagen, imagine un club online dédié à Volkswagen. Un gars a dit peu importe qui est cette Anna Lowen, elle doit se trouver une vie. Hein? Même avec son site web pathétique, elle ne divertira pas autant de gens que Michael Jackson l'a fait. Bref, ismichaeljacksonstillalive.com, allez voir ça et pensez dans ce que vous voulez. Ce produit-là suit dans les traces, dans les pas de Snuggie, Slinkit, Peekaboo, Runder Robe, Magic Jacket, Carpet Vest et Plushy Pants. Si vous connaissez pas ces produits-là, le Snuggie, entre autres, c'est un genre de jaquette que vous portez, mais qui a des manches. Donc, vous pouvez comme vous habiller d'une couverture, tu sais, dans l'hiver pour être confortable, mais vous avez encore vos mains pour manger du popping corn, genre. Le prochain produit, donc, qui arrive dans cette même lignée de produits-là stupides, c'est le Wearable Towel, une serviette à porter. Pas mal le meilleur nom qu'ils ont réussi à trouver. Je sais pas, il me semble que c'est pas très original, mais bref. C'est une serviette avec des trous dedans. Donc, c'est vraiment comme une serviette, c'est un rectangle. Il y a des trous sur les côtés et tu peux donc faire plusieurs combinaisons en passant tes bras devant. Tu peux le porter en toga ou tu peux le porter en genre de belle petite robe. Hein? La vidéo vous explique ça de toute façon très, très classe. Allez voir comment vous pouvez avoir de la classe en portant une serviette comme une robe de chambre. Ça coûte 20$ plus les frais d'envoi. Et ça vient en bleu, en blanc et en rouge. Oui, parce que c'est américain, ce produit. Le Wearable Towel. Un client de chez McDonald's, Zero is Zero, a acheté des McCroquettes et a découvert l'Ocarina of Time. Oui, the Ocarina of Time, c'est un jeu de mots avec une cuisse comme une cuisse de poulet. C'est en enchère sur eBay, vous pouvez acheter ça. C'est littéralement un morceau de poulet qui ressemble à l'Ocarina de Zelda. Ça dit ne pas manger dans le résumé sur eBay. Je sais pas. Je pense qu'avec le temps, ouais, peut-être que je mangerai pas ça, nécessairement. Sauf si j'avais vraiment faim. Ensuite, on parle de petits toutous qui ressemblent à des robots. Hein? C'est Erin Will qui travaille là-dessus et elle en fait un par jour. Elle en a fait 257 jusqu'à maintenant et elle continue comme ça à tous les jours. Un petit robot qui est en même temps un sac. Donc, vous pouvez mettre vos choses dedans. C'est super joli. Chacun est unique. Chacun est adorable. Allez voir son site web. Et évidemment, il n'y en a pas tant que ça à acheter. Hein? Mais c'est disponible sur son magasin, sur le site Etsy.com. Bref, allez voir l'article. Ça coûte entre 30 et 40 $ pour ces petits robots. Oh, c'est tellement mignon. Enfin. Ensuite, tiens, un utilisateur du forum Smashboard, Googold Ganon, n'était pas satisfait par les personnages qui sont présents dans Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. Ce qu'il dit, c'est que le jeu manque plusieurs personnages de Super Smash Bros. Melee qui est sorti avant. Donc, il a fait ce que n'importe qui aurait fait, tu sais. Non, il n'a pas écrit une lettre à Nintendo pour se plaindre. Il n'a pas parti un site web, il n'a pas parti de pétition. Non, il a hacké le jeu. D'un bout à l'autre, presque. On peut le voir dans la vidéo, dans l'article. Ce n'est pas un changement de texture comme on pourrait faire dans d'autres jeux pour faire qu'un personnage ait l'air d'un autre en changeant ses couleurs. Non, Good Old Ganon a incorporé les moves de Roy, du personnage Roy, dans son jeu. Sauf qu'évidemment, il a fallu qu'il choisisse un personnage à enlever. Donc, s'il prend Marth avec... en tout cas, Ça dit Marth à l'écran, mais le personnage, c'est Roy. Donc, allez voir son vidéo. Vous voyez comment il a hacké ce jeu-là pour mettre les personnages qu'il veut dedans. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment, vraiment jouer avec ce personnage-là dans Brawl. Une vidéo d'un iClone, qu'on appelle. C'est un clone d'un iPhone. Ça vient de Chine. Hein, ça a l'air pas si mal quand on le regarde physiquement. Ça ressemble pas mal à un iPhone. Le gars l'a acheté sur eBay. Il veut se faire rembourser maintenant. Je suis pas sûr que ça va marcher parce qu'il me semble que dans le show sur eBay, si tu regardes les photos, peut-être que tu peux t'en rendre compte en cherchant un petit peu. Mais bref, quand tu connais pas trop ça, ça peut avoir l'air d'un vrai iPhone. Bref, dans la vidéo, le gars l'essaie et montre de quoi le logiciel a l'air. Donc, quand tu l'ouvres, oui, ça ressemble à un iPhone. Oui, le logiciel a l'air de bien marcher. Ça joue de la musique, tu sais. Bref, mais c'est basé sur genre Linux, puis c'est super lent, puis ça marche mal. Et puis les coins sont pas aussi ronds. Hein? Bref, allez voir la vidéo de ce iPhone knockoff qu'on dit sur le unechance.com. Un nouveau blog qui s'appelle thereifixedit.com évidemment en anglais, mais c'est un blog de gens qui ont arrangé ou patenté des gogosses, comme on pourrait dire, comme cette personne-là qui est assise sur une chaise supportée par des barils dans l'eau avec des bouts de métal pour avoir l'air d'une chaise haute. Ou un gars qui a mis une poubelle dans un trou dans la route, là. Un nid de poule, pour pas que les gens passent dessus, pour qu'ils le remarquent vraiment. T'sais. Ou n'importe quoi, t'sais. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Une voiture avec une très très petite roue, ou chose de popcorn pendu sur le mur pour faire joli. Bref, allez voir ça, c'est thereifixedit.com. C'est un blog de gens qui patentent des affaires qui ont l'air un petit peu folles des fois. Un groupe de surveillage de quartier, surveillance de quartier au Royaume-Uni a enregistré des gens qui jettent leurs affaires par-dessus bord. Par exemple, le gars, bon, on le voit dans la vidéo. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent une vidéo de quelqu'un en train de jeter quelque chose à terre et ils le remettent ensuite au ralenti. Ça fait très, très cheaters, tu sais, genre des gens qui trompent d'autres. Ici, c'est les gens qui jettent des affaires par terre. Hein? Allez voir ça, c'est les Little Loots, c'est le nom du vidéo. Ça manque un petit peu de musique, genre super lugubre. Puis le slow motion est peut-être un petit peu trop. Ça vient du Royaume-Uni, voilà. Allez voir sur lunchance.com. Des étudiants du MIT ont construit un shopping cart, go-kart cart, LOL Rio Kart, qui s'appelle le LOL Rio Kart. Dans le fond, c'est une combinaison entre un panier de magasinage et un go-kart, hein, équipé avec des batteries d'avion, hein, et un moteur que je pourrais même pas vous dire qu'est-ce que c'est, un 15 HP brushless, hein, et un vieux panier de magasinage avec des roues améliorées. Ça peut aller jusqu'à 45 000 à l'heure. Allez voir la vidéo. Ça fait le tour du net au www.unechance.com. Ah tiens, quelques conseils et quelques excuses à utiliser quand vos amis vous disent qu'il ne faut pas télécharger des fichiers sur Internet, tu sais. C'est, je dirais pas que je fais ça tous les jours, là, hein, quand même. Tiens, raison numéro 1, j'ai manqué de place sur mon enregistreur numérique personnel. Hein. Numéro 2, j'ai accidentellement effacé l'émission. Numéro 3, le disque dur de mon enregistreur numérique personnel a eu un crash, a eu un bug. 4, je ne reçois pas cette chaîne en haute définition. Je l'ai juste en définition standard. Numéro 5, mon câble a fait défaut, il ne marchait plus ce soir-là. Numéro 6, j'ai le satellite à la maison et il pleuvait, donc j'ai raté mon émission. Numéro 7, je ne vis pas aux États-Unis et l'émission n'est pas disponible sur Internet ici. Bon, c'est un petit peu moins légal ici. En 8e, j'ai effacé l'émission après les avoir regardées une fois, donc je veux l'avoir une deuxième fois maintenant. Numéro 9, l'émission n'est pas disponible sur Blu-ray. Et numéro 10, je vis dans une place où il y a des montagnes et je ne peux pas avoir la télé gratuite à cause de ça. Hein? Allez voir lunechance.com pour l'article et d'autres raisons. The Human Printer est un groupe de personnes, de gens qui impriment des photos en couleur et en noir et blanc, donc soit en CMYK ou en noir et blanc littéralement, à la main. Donc c'est vraiment des imprimantes humaines, c'est pour ça leur nom. T'sais. TheHumanPrinter.wordpress.com et leur site, vous pouvez voir des photos d'eux en train de poinçonner des feuilles avec des crayons de couleur. Je sais pas où ils prennent la patience pour faire ça, mais ça donne un extrêmement beau résultat. Allez voir The Human Printer. C'était la capsule du 2 juillet d'Autour du Net, ici à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Allez voir assemblagerequis.com pour tous les liens de toutes les capsules qu'on passe dans cette émission spéciale où on rassemble les capsules Autour du Net. Tout est posté dans l'ordre et celle-là vient de l'émission qui s'appelle CNX Pizzotto. C'était le nom de l'émission de cette semaine-là. Il y en a une deuxième de la même émission qui s'en vient, mais avançant en musique, voici 011 et la pièce La solitude amoureuse avec Marginal Deluxe dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est fou ça! La solitude amoureuse, si elle est longue, Solitude amoureuse par 0 à 1 et marginale de luxe, ensemble. Ah, c'est Alex, émission la plus geek de la radio. Cette semaine, c'est spécial Autour du net et on continue avec l'autre capsule du 2 juillet. Maintenant, on se tape un autre tour du net rapide dans cette fin d'émission. On va y aller pas mal rapidement. Commençons par une nouvelle vidéo de The Lonely Island qui joue à Doubt, The Video Games. Vous avez peut-être vu ça au MTV Movie Awards, mais ça a été posté sur YouTube. Et maintenant, allez voir cette belle affaire-là. C'est The Lonely Island qui est un groupe humoristique. Kisstunes, pour faire de la musique en ligne avec votre clavier. Je vous raconte pas plus de détails que ça, mais allez voir kisstunes.com. C'est littéralement, on vous montre les touches de clavier puis vous jouez de la musique avec ça. Vous pouvez les enregistrer, faire play, etc. Vidéo clip sur offworld.com de classiques d'arcade 8 bits qui sont de retour, mais en forme de Lego maintenant. C'est l'utilisateur sur YouTube Michael Hickox qui a une passion, une obsession pour Lego et pour les jeux vidéo. Maintenant, il fait un jeu de Mario avec des Lego. Excellent, excellent. Allez voir ça, unechance.com. New Super Mario Brothers. Vous connaissez le jeu qui va sortir sur la Wii, qui est basé sur un jeu sur DS. New Super Mario Brothers pour la Wii, où on peut jouer à 4. C'est comme un jeu de plateforme à l'ancienne mode, genre Mario World, mais en 3D, en plateforme, à l'horizontale, sans profondeur, mais avec de la profondeur dans les graphismes. Bref, ici, on peut le voir en version de quoi ça aurait l'air, New Super Mario Brothers. Oui, si c'était sur les consoles et dans les jeux de Mario du bon vieux temps. Donc, on vous montre des parodies de ça dans des vieux jeux. Voilà. Sinon, il y a plein d'affaires. Je dois sauter par-dessus vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des sons gratuits du nouveau jeu des Ghostbusters disponible sur lunchance.com. Un gars qui a fait une parodie de son iPhone en mettant des photos de lui dans différentes positions pour montrer chacune des icônes de l'iPhone. Par exemple, lui en train de téléphoner, ça c'est l'icône téléphone, etc., etc. C'est juste des photos de ce gars-là qu'il a intégré dans un genre de faux iPhone. Sinon, de quoi est-ce qu'on peut parler? Des super-héros version vieux. Hein? De quoi vont avoir l'air nos super-héros préférés quand ils seront vieux? Allez voir lunchance.com pour le lien. Website Story, qui est une parodie de West Side Story par College Humor. College Humor qui sont vraiment rendus très, très bien garnis côté portefeuille parce qu'ils font des très belles parodies avec des effets spéciaux assez pas pires dedans. C'était la capsule du 2 juillet de Autour du net, ici à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Ça avance, on en a déjà pas mal écouté de capsules, mais ça continue pendant encore une heure et quelques, ça, ces capsules-là, Autour du net. en ondes ici, assez fou. Tantôt, une capsule du 25 juin, mais avant ça, voici rapidement une musique, une pièce de musique de Sub. C'est Black Gold, ça vient du palmarès anglophone. C'est assez fou et c'est maintenant. Hein? Un peu décousu, tout ça. Ça, et la pièce Black Gold de leur album To This Beat à CNX, émission la plus geek de la radio. Je vous l'avais dit que c'était rapide comme pièce, celle de Sub. Maintenant, vous êtes dans le spécial Autour du Net de CNX. On se passe toutes les chroniques autour du net de la session. Maintenant, voici la première du 25 juin. On commence notre retour du net cette semaine avec plein de choses que j'ai aimées. Ah, que j'en ai donc aimé des choses, dont quelques vidéos que je vais mentionner comme ça rapidement, mais que je peux pas vous faire jouer ni entendre, mais quand même, je vous les mentionne. Nouveau vidéoclip avec Buzz Aldrin. Vous connaissez Buzz Aldrin, l'astronaute Buzz Aldrin. Rocket Experience avec Snoop Dogg et Talib Kweli. Allez voir ça. Très drôle. C'est sur Funny or Die, ça n'a pas choisi d'être drôle, hein? Funnyordie.com. Vidéo qui, au début, tu penses que c'est une mauvaise critique, une mauvaise, ce qu'on appelle un unboxing en anglais. C'est très, très populaire sur l'Internet américain, c'est le déboîtage, si on veut. C'est sortir un produit de sa boîte, un produit qui vient tout juste de sortir, que personne n'a vu encore. Et là, on le déballe, puis là-haut, tout le monde regarde ce là-dessus. Bref, ici, c'est Stephen F. dans son Technology Internet Podcast. Au début, tu penses que c'est ben niaiseux, tu sais, Stephen Frank, Internet Technology Podcast with Stephen Frank. C'est temps que tu te rendes compte que c'est vraiment une très, très bonne blague sarcastique. Et j'adore cette vidéo, c'est ma préférée de la semaine. Allez voir sur le www.unechance.com pour le lien. Tiens, ça c'est vraiment stupide, mais c'est quand même intéressant. Quelqu'un qui joue à Halo pour la Xbox 360 sur le grand, très, très grand écran du stade des Dallas Cowboys. Allez voir ça, vidéo, jeu vidéo sur un grand écran, c'est toujours intéressant, mais là, c'est plus qu'un grand écran, c'est un gigantesque écran. Imaginé par Brass Goggles dans un concours pour Damnation de Codemasters, la PlayStation 3 qui est dans la photo sur le unechance.com, c'est pas mal le summum d'une console steampunk. Le principe du steampunk qui commence à être, selon moi, un petit peu sur sa fin, quand le monde se tanne du steampunk, ça c'est quand on prend de la technologie de nos jours, la technologie c'est comme un iPod ou un ordinateur, un iPhone, et puis qu'on le modifie, on le rend comme s'il était vieux et rétro, c'est vraiment très très vieux, là. Vraiment vieux. Bref, pour que ça ait l'air rétro, mais c'est un produit nouveau dans un... Vous comprenez le principe. Ici, on a pris une PlayStation 3, on l'a fait avoir l'air de genre de bois avec des aiguilles puis de la vapeur. C'est ça, c'est de la vapeur. Steampunk. Bref, si vous voulez voir plus de photos, il faut cliquer dans le lien. C'est vers la fin de l'article, il y a un petit lien rouge, là, cliquez là-dessus. Et puis, c'est très joli et j'aimerais bien jouer avec ce genre de gadget-là. Tiens, une autre publicité virale de la part de Electronic Arts pour Tiger Woods PGA Tour. Vous vous rappelez celle de Tiger Woods PGA Tour 2009? Il y avait une publicité où on voyait Tiger Woods marcher sur de l'eau. C'était une référence à un bug, un glitch qu'il y avait dans Tiger Woods 2008, où on pouvait faire marcher Tiger Woods sur l'eau. Donc, dans la publicité de 2009, ils avaient fait ça. Et puis là, ben, ils ont fait une nouvelle pour PGA Tour 10 avec Rocco Mediate. Hein? Quand même pas mal pas pire comme publicité. On le voit essayer de marcher sur l'eau et peut-être pas tant réussir. Et puis là, à la fin, ça dit « Ouais, ben c'est pas Tiger Woods, t'sais. » Bref, allez voir ça, riez-en un petit peu, c'est drôle. Ils offrent Electronic Arts 50 000 $ pour votre propre vidéo virale pour le jeu. Donc, allez participer si vous êtes un cinéaste amateur. Hein? Avec le lancement de Pong2.com, P-O-N-G-E-D.com, Gamefly continue à transitionner d'une compagnie où on loue des jeux vidéo à une compagnie où on peut jouer à des jeux vidéo sur Internet. C'est leur nouveau site web, Pong2.com. Vous connaissez peut-être Gamefly pour leur publicité à la télé. Je pense pas que ce soit disponible au Canada, même pas mal sûr que je ne l'ai pas. Vous pouvez jouer à des jeux pendant une période illimitée, genre, puis là, vous en recevez un, vous jouez, vous le renvoyez, on vous en renvoie un autre. C'est un peu comme Netflix, là. C'est un genre de système comme ça où tu payes un prix par mois, puis tu peux jouer à autant de jeux que tu veux, mais en garder un seul à la fois. Bref, leur nouveau site, 500 jeux gratuits, des jeux flash choisis par l'équipe. Et même par des hardcore gamers qui se disent eux-mêmes, voilà, Pong2.com aide des gens à se faire sacrer de voir de leur job depuis 2009. C'est ce que dit joystick.com. Hein, jolie petite vidéo, encore une fois, ça s'appelle Tetris CF numéro 1. Si vous pensiez que les morceaux de Tetris arrivaient d'eux-mêmes comme ça et tombaient du ciel dans le jeu Tetris, c'est pas vrai du tout. Cette animation commerciale pour Woodus en Corée du Sud, c'est les gens qui étaient derrière une petite animation populaire, Bubble Bubble, qui a fait le tour d'Internet il y a quelques temps. Hein? Un genre de vidéo qui ressemblait à Bubble Bubble. Bref, celui-là, Tetris, comment les morceaux de Tetris sont fabriqués. Allez voir cette petite vidéo-là sur lunechance.com. Break.com sont les tout derniers, les plus récents à embarquer sur le célèbre train de amusons-nous avec Twitter ou rions de Twitter, dépendant de comment vous regardez ça. Tweetbox vient d'être lancé. L'animateur est un humoriste, Mike Polk, qui rit de toutes les vedettes qui écrivent des affaires stupides sur Twitter. Bref, allez voir ça. C'est en anglais, évidemment, mais on parle de Kim Kardashian, Soulja Boy, Donald Trump, Shaquille O'Neal. Hein? Et il finit chaque épisode en disant « Tant et aussi longtemps qu'il y aura des vedettes qui vont continuer d'être stupides, on va continuer de se moquer d'eux de notre salon où on se sent en sécurité et où on peut pas se faire tirer des roches. Hein? » Voilà. Si j'ai sauté par-dessus quelques affaires ici, mais quand même, j'ai posté plein d'autres choses. Allez voir sur lunechance.com, dont la cinquième partie de Autotune de News. Malheureusement, je peux pas la faire jouer à la radio, je le fais d'habitude, mais c'est la cinquième partie de cette super série vraiment géniale où les gars prennent des morceaux de clips de bulletins de nouvelles, CNN ou peu importe, soit font bouger les lèvres ou changent un petit peu les faces des gens pour les faire chanter, mais ils prennent leurs paroles en tant que telles, ce qu'ils disaient, et puis mettent un autotune dessus, un peu comme bien des artistes comme Cher, mettons. Tu sais que la voix suit les notes qu'elle est supposée atteindre, même si elle n'est pas capable de les atteindre. Bref, ça donne un style. Autotune de News, numéro 5. Allez voir ça, c'est intéressant. Tout le monde aime ça. Tiens, un autre de mes vidéos préférées. J'ai beaucoup de vidéos, hein, beaucoup trop de vidéos, je dirais, cette semaine. Mais bon, celui-là est vraiment, vraiment drôle. C'est un gars qui perd le contrôle complètement après que sa mère ait annulé son compte de World of Warcraft. Bien des gens ont des doutes sur la véracité et l'authenticité de cette vidéo-là, mais quand même, il essaie de se frotter une télécommande sur les fesses à 1 minute 10 du début, donc ça pourrait être pour vrai, dit geekologie.com. Allez voir la vidéo sur YouTube, sinon cliquez sur www.unechance.com, le lien est là dans la section autour du net. Le gars saute par... J'ai jamais vu un gars se tortiller autant après avoir subi quelque chose comme l'annulation de son compte de World of Warcraft. Bref, hilarant est le mot que bien des gens utilisent, dont moi. Hein, j'aime pas même le mot, mais quand même. Tiens. Super Mario Bros. 3. Vous connaissez peut-être ce jeu-là. On vient de nous révéler quelque chose de... Je sais pas, ça change ma vie. On voit, c'est au début du jeu de Mario Bros. 3. Je vais vous expliquer dans le jeu vidéo. Là, on vous le montre en image et en texte sur le site. Allez voir lunechance.com, mais je vous explique. Au début de Mario Bros. 3, il y a un rideau qui monte, t'sais. Il y a des ombres, surtout en arrière. Tu sais, genre, les arbres ont une ombre et tout. Après ça, on remarque que les blocs sont vissés au sol et qu'il y a encore plus d'ombre derrière chacune des plateformes. Après ça, quand tu termines un tableau, tu sors à la droite. C'est comme la fin d'un plateau. Hein? Et les plateformes sont accrochées avec des genres de barreaux au ciel. Donc, ce que ça nous révèle, c'est que Mario Bros. 3, dans le fond, c'est jamais arrivé. C'est juste une pièce de théâtre. Incroyable, ça change une vie, ça. Allez voir lunechance.com pour le lien, pour voir les images et les explications de Mario Bros. 3, qui est une pièce de théâtre montée. Et on termine avec le Pimpendo, qui est un Nintendo, l'original, la NES, mais pimpé complètement avec du petit velours, des petits poils mauves et du tissu de zèbre. Allez voir ça et simplement, regardez les photos, mais vous pourrez pas l'acheter parce que c'est quelqu'un qui fait ça pour lui-même. Ah! C'est beau, c'est le Pimpendo. Quelle révélation pour Mario Bros 3, ça m'a impressionné ça quand j'ai eu ça, j'étais à terre, en bas de ma chaise. C'était une autre capsule d'Autour du Net, celle-là date du 25 juin, allez voir assemblagerequis.com pour tous les liens de toutes les capsules Autour du Net de l'émission spéciale d'aujourd'hui. On en aura d'autres tantôt dans la deuxième heure de l'émission, mais pour l'instant en musique, voici The Novaks. Et Why Wonder, vous êtes à C'est Fou 89.1 FM, c'est CNX, l'émission la plus geek de la radio. Le spécial Autour du Net de CNX revient dans 2 minutes au 89.1 FM, c'est fou. Retour sur la deuxième heure de CNX, émission la plus geek de la radio. Et cette semaine, c'est spécial Autour du Net. On se repasse, on se remémore les capsules Autour du Net de la session d'été 2009. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est rendu à la fin du mois de juin. Hein? Dans quelques minutes, on va entendre celle du 25 juin. Mais avant ça, voici numéro et leur morceau. Tout est parfait. Assez fou dans vos oreilles. Et allez voir assemblagerequis.com pour tous les liens d'émission de cette semaine. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, on est de retour en direct avec un spécial Chiptunes. Ça va être très bon, ça. Jamais mort. plus le temps d'avoir mal. Si la vie m'a menti, je m'approcherai du diable. Dans mes mains futures et des âmes si bonnes, tout est parfait. Je te laisse modifier mon apparence. Eugénie, soyons les plus forts. Nous déclinons l'avenir comme un ordinateur. Eugénie, je t'ai dans le corps. Une patrouille en civil, une matinée de guerre. Eugénie, je baisserai les bras au nom de la victime et des machines modernes. Tout est parfait, tout est parfait. Héroïque, pourquoi vivre autrement? Tout est parfait, tout est parfait. Magique, pourquoi vivre autrement? La pièce Tout est parfait de numéro, ça vient de leur CD Sport de combat, c'est très très bon. Vous êtes assis à NX, émission la plus geek de la radio, et cette semaine, encore une fois, ben, c'est spécial autour du net, donc on se passe toutes les capsules autour du net de la session d'été. Voici la deuxième de l'émission du 25 juin. Hey, ça n'a même pas d'ailleurs combien il y a des affaires qui se passent sur Internet cette semaine, j'en reviens même pas. Commençons par une autre vidéo vraiment, vraiment géniale qui montre un produit. En fait, c'est comme une vidéo truquée. T'sais. C'est Samsung qui a sorti une nouvelle caméra 12.2 mégapixels qui filme en HD. C'est la WB1000. Hein? Mm-hmm. Et là, non seulement il nous montre le produit, mais en plus, c'est tellement truqué que le gars touche à la boîte et l'appareil qui est sur la boîte réagit à ses pressions de doigts. Donc, il pèse et puis là, on voit l'image de sa chambre, mettons, au travers de la caméra qui est sur une boîte. Tu sais, vraiment, littéralement, c'est un dessin sur une boîte, c'est une photo. Bref, c'est ça que ça montre, là, puis c'est vraiment cool. Ça vient de thenextweb.com, mais c'est pour une caméra de Samsung qui s'appelle la WB1000, et je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo-là sur lunechance.com. Tiens, une autre publicité de Microsoft, mais cette fois-ci, elle n'est pas tellement faite par Microsoft. Pas vraiment, tu sais. Hein? C'est les gens de quel site déjà? De funnyordie.com qui ont repris le concept des publicités de Microsoft, tu sais, où on donne de l'argent à quelqu'un et là, la personne va aller dans le magasin, il va voir des Macs et là, il va faire « Ah non, ben c'est bien trop beau, c'est bien trop bien fait, c'est bien trop cher! » Tu sais, là, finalement, il va prendre un PC, genre super pas bon. Là, les PCs sont vraiment mauvais, mais c'est pas grave, il l'achète, puis il est bien content. Puis Microsoft lui donne l'argent, puis là, c'est comme « Oh, youpi, je suis un PC, bravo, beau travail! » Ici, on reprend ce concept-là, mais on en fait une petite blague avec Jake dans la série Laptop Hunters. Je ne dévoile pas de punch, je le fais un petit peu trop souvent, donc allez voir lunechance.com pour voir cette vidéo-là, mais ne regardez pas au travail, parce que ça pourrait vous causer des problèmes. Hein? Photoshop, Word, Excel, Internet Explorer, Windows et même le Finder sur macOS sont des logiciels vieux comme le monde, dit Imagineration.com, et pourtant, ils ont tous été un jour en version 1.0. Allez voir le diaporama, le slideshow, comme on appelle, de ces versions 1.0 de tous ces logiciels-là, en cliquant sur le lien d'unechance.com. Ensuite, iFixit, qui est un site qui aime défaire des gadgets en morceaux. On a parlé la semaine passée du Palm Pre défait en morceaux par, je crois que c'était même iFixit. Cette semaine, c'est l'iPhone 3GS qui est défait en morceaux. Ça ne le déçoit pas du tout. La pile fait seulement 6% de plus de largeur que celle du iPhone 3G et la batterie est beaucoup, beaucoup plus longue que seulement 6% de plus. Bref, allez voir la vidéo et les photos sur lunechance.com. Non, ça c'est un petit peu déprimant et une chance que sur l'article, en y allant, en cliquant dessus, vous allez voir, elle est censurée. Descendez plus loin dans l'article pour voir qu'est-ce que c'est. C'est quelqu'un qui s'est fait, je sais pas si c'est lui qui l'a fait lui-même. Enfin bon, il s'est graffiné les boutons d'une manette de NES sur le bras. Non, c'est un peu trop dégueulasse pour moi ça. je sais pas, je crois, c'est son bras ou c'est sa jambe? En tout cas, bref, regardez ça. Dites-moi si vous trouvez ça joli d'avoir ça sur le bras. Hein, les filles? Vous aimez ça, un gars qui se graffine le bras pour mettre des boutons de Ness dessus? Enfin bon, Jeffrey, l'artiste, ça lui a pris 20 minutes pour couper toutes les lignes, quelques grandes respirations, et ensuite, ils ont enlevé la peau complètement pour faire les boutons. Vraiment, là, tu sais, il a juste fait des lignes dans sa peau avec genre un bistouri ou je sais pas trop quoi, et il a enlevé la peau de son bras ou de sa jambe pour le faire. Un petit peu sauté dans la tête. Bref. Tiens, sur le site latenightwithjimmyfallon.com, le site d'une de mes émissions préférées, ils ont parlé de Transformers 2 et G.I. Joe, The Rise of Cobra. Tu sais, ils s'en viennent en cinéma bientôt. Ce sont des émissions de télé pour enfants qui ont été adaptées en film pour pas mal adultes. Tu sais. Bon. Atom.com et l'animateur, animateur en termes de dessin animé de Dan Meth, ont amené ça à une autre extrême avec d'autres dessins animés qui pourraient devenir des films éventuellement. Bref, allez voir ça. Assez drôle, unechance.com. Même chose, d'autres vidéos de Lost. Vous connaissez la série Lost? Hein? J'espère que oui. Lost rencontre des séries télévisées, des sitcoms américaines des années 80-90. Full House, Friends, Family Matters, Step by Step. Et là, l'artiste qui a fait ces vidéos-là est vraiment, vraiment super bon. Et vous allez pouvoir voir son talent dans ces intros-là. Ça ressemble vraiment au vrai générique de ces sitcoms-là des années 80-90. Même avec les personnages de Lost, il a réussi à trouver des scènes qui fitaient avec les originales. Et si vous cherchez sur YouTube pour voir les originales, vous allez pouvoir comparer. Bref, c'est vraiment quelques-uns de mes vidéos préférées de cette semaine. C'est Lost en sitcom. Le top 45 des toiles ou des dessins faits par des artistes basés sur Super Mario Bros. Ça vient de thedesigninspiration.com. Allez voir lunechance.com pour le lien. On peut voir Luigi faire plein de choses avec des oignons et des radis. Ninja Gaiden version papier, version 8-bit, mais version papier, bricolage. Donc, on voit vraiment Ninja Gaiden en genre de 3 dimensions, cartonné un peu, et je trouve ça très, très joli. Il y a même un PDF, si vous voulez le faire vous-même à la maison. Le temps passe vite, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, on va faire ça vite. Des mauvais films réimaginés comme étant des jeux vidéo encore pires. Donc, on prend des films qui sont mauvais et on les traite, on fait des images qui ressemblent à des intros de jeux vidéo qui seraient encore pires que les films. On parle de Torgo's Tale, Logan's Run, Dancer in the Dark. Allez voir ça, unechance.com. Sur College Humor, on a posté le top c'est le top 9 des meilleurs accidents de gens qui se faisaient frapper par un auto ou un autobus dans des séries télé ou des films. Je crois que c'est des films. Bref, on les voit un après l'autre se faire taper par un autobus ou une voiture. Et c'est toujours drôle, ces scènes-là, dans les émissions ou dans les films. Je trouve ça toujours drôle. Et finalement, un film d'amour en version post-it. J'ai pas le temps de le décrire tant que ça, mais allez voir les vidéos. Ça fait le tour. 15 minutes de gloire, ça c'est certain, sur YouTube. Post-it Love, que ça s'appelle. Tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de Obama, maître ninja avec sa mouche. J'ai aussi posté des vidéos sur Internet parce que c'est de ça que le monde parle et c'est ça que je fais quand je parle de choses qui se passent sur Internet. Finalement, une liste des chansons qui ont été utilisées dans les présentations et discours de Apple à travers les années dans leur keynote à Macworld ou à WWDC. Les pièces qui ont été utilisées dans leurs vidéos. C'était la capsule du 25 juin d'Autour du Net. Les choses vont vite dans ces capsules-là, donc allez voir assemblagerequis.com pour voir tous les liens de toutes les capsules qu'on a passées jusqu'à maintenant, parce que vous êtes dans un spécial Autour du Net. On rassemble toutes les capsules Autour du Net depuis le début de la session d'été. Il nous reste environ 45 minutes d'émission, mais avant ça, petite parenthèse. Hein, je dois vous dire, bon, la semaine passée, on a fait un spécial un petit peu comme cette semaine, mais avec Google Gadget. Allez voir aussi assemblagerequis.com pour les liens. Et le bonus sur le site web assemblagerequis.com, c'est la capsule CN Extra où j'ai rajouté une bonne heure et 20 d'autres capsules Google Gadget de la session qui était passée. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour entendre l'émission qui a passé à la radio et l'émission exclusive au web. assemblagerequis.com, je pense que je l'ai assez dit. Tantôt, il y aura une capsule du 18 juin 2009, mais avant ça, on s'en va entendre Standing Waltz avec un morceau qui s'appelle Can't Break Me. C'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou au 89.1 FM. Me down. Stop trying to change me. Standing Wall, c'est Can't Break Me. C'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou. Oui, vous êtes bien à C'est Fou au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Et vous êtes à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Cette semaine, c'est spécial Autour du Net. On rassemble toutes les capsules Autour du Net de la session. Voici celle du 18 juin. OK, donc commençons notre Autour du Net cette semaine avec de la porno. Pourquoi ne pas commencer par là? C'est là que la plupart des gens commencent, il me semble. Vous vous rappelez peut-être de Robbie Cooper. Hein? Si le nom vous dit rien, je vais vous expliquer. Son projet Alter Ego, c'était des photos de gamers, de joueurs de jeux vidéo, dans et leur avatar à l'intérieur du jeu. C'était ça son projet, c'était des photos de gamers et leurs avatars dans les jeux. Et il y avait aussi Immersion, ça c'était vraiment mon préféré. Des enfants qui étaient filmés avec un hétérotron en jouant à des jeux vidéo. Et là, un hétérotron, c'est fascinant. Si vous connaissez pas ça, un hétérotron, c'est vraiment cool. Allez sur Wikipédia. C'est une technologie qui vous permet de d'être passé en entrevue par quelqu'un, mais quand on regarde l'image, c'est comme dans une caméra, tu sais. Donc on voit vraiment tes yeux comme si tu regardais la caméra, mais dans le fond tu regardes un écran qui te montre l'intervieweur. Je pense que Christiane Charette fait ça à son émission là. À Arte, oui, il me semble. Bref, un hétérotron, c'est vraiment cool. Ça, c'était des enfants qui jouaient à des jeux vidéo. Son nouveau projet, c'est comme Immersion, excepté avec des gens qui regardent la porno. Donc, la vidéo de 18 minutes est disponible sur leur site web en passant par lunechance.com. Le lien est facile à trouver là-dessus. C'est dans la section Autour du Net. Donc, on voit des gens en train de se rendre jusqu'à l'extase. Et on voit comment leur passion s'est développée dans cette vidéo-là. On les entend parler de qu'est-ce qu'ils aiment dans la porno, etc. Bref, c'est peut-être pas facile à regarder. Il y en a qui vont peut-être trouver ça choquant. Mais ça vous montre plusieurs affaires sur le voyeurisme, l'exhibitionnisme et un paquet de choses comme ça. Et de la masturbation, c'est ça. Mais c'est sur Internet, puis c'est pour les adultes seulement. Et regardez peut-être pas ça au travail, parce que apparemment, selon l'article de Kotki.org, c'est aussi difficile à expliquer à son patron qu'on regarde la porno au travail que c'est de leur expliquer pourquoi on regarde des gens en train de regarder de la porno au travail. C'est aussi dur à expliquer. The Scams at Nature, les gens de chez Nature, les gens de chez Nature mettent à jour un compte Twitter qui s'appelle Apollo plus 40. C'est la mission Apollo 11 telle qu'elle s'est passée il y a 40 ans. Donc c'est twitter.com/Apollo+40 et le plus en texte, et on voit en temps réel les astronautes pratiquer pour Apollo 11, se réveiller le matin, des affaires que leurs docteurs leur ont dit, tout ça en temps réel tel que c'est arrivé il y a 40 ans. La mission Apollo 11, je trouve ça fascinant. twitter.com/Apollo+40. Tiens, un nouveau projet, une belle vidéo pour le projet Touch Wall, qui est une suite à un autre panneau multi-touch qu'ils avaient fait il y a quelques années. C'est sur le site by Monk Gadget. Multi-touch, tu sais, l'idée d'utiliser un appareil avec ses doigts sur un écran à toucher, tu sais, à faire peut-être, tu sais, à pincer des affaires pour zoomer ou dézoomer sur un iPhone, par exemple. C'est bizarre parce qu'on l'a dans nos téléphones. Hein, on a dans des gros projets comme le Touch Wall, mais on l'a pas encore dans des ordinateurs à la maison. Bon, il y a des tablettes PC pour certains, mais c'est quand même très cher encore. Pourquoi est-ce qu'on peut l'avoir dans notre téléphone pour pas cher? T'sais? C'est ce que demande l'article de bugbug.net. Ici, ce que c'est le Touch Wall, c'est un mur gigantesque. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est génial. Ça a l'air très, très futuriste. Je trouve ça cool, mais je suis sûr que dans très bientôt, on va l'avoir. Peut-être même au Québec. Ici, on demande comment taper un nom et un mot de passe sur un mur comme celui-là. T'sais. Pour le Touch Wall, tu le fais pas, tu utilises un badge programmé, tu le passes devant l'écran et ouf, t'es connecté. Allez voir la vidéo, c'est vraiment super fascinant. Touch Wall, qui est pas un appareil tout seul, mais une nouvelle technologie, dit la compagnie derrière tout ça. Bref, c'est le Touch Wall, allez voir lunechance.com. Tu sais, tout le monde aime les GPS, la technologie est géniale, ça vous aide à aller d'un endroit A à un endroit B, mais des fois la voie peut être fatigante. T'as le choix des fois entre peut-être un gars ou une fille, mettons, t'sais, mais c'est tout. TomTom, la compagnie, vous offre plusieurs skins téléchargeables pour leur TomTom GPS, mais c'est pas assez. On voulait avoir une voix connue. Et là, Homer Simpson arrive à la rescousse avec un nouveau skin de voix pour les TomTom GPS. Surprenant que ça ne soit pas arrivé avant, mais ça va vous coûter 13$. C'est quand même assez cher pour une voix. Mais bref, j'imagine que l'acteur derrière Homer Simpson a fait des centaines et des centaines de phrases pour l'appareil, donc ça doit valoir 13$. On peut entendre par exemple Homer Simpson dire « Prends la troisième à droite, on va peut-être trouver un camion de crème glacée. La crème glacée, c'est... » Bref, des blagues à la Homer, c'est assez simple, disons qu'on les connaît. Tiens, Ça ressemble à un Super Nintendo. En fait, ça ressemble à une version de Super Nintendo qu'on n'a jamais vraiment vue au Canada. Mais bon, bref, c'est dans d'autres pays, d'autres modèles de Super Nintendo, ça existe. Mais non, ce n'est pas un Super Nintendo, c'est un PC. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la place où on met le CD. C'est dans une cassette de Super Nintendo sur le dessus de la Super Nintendo, la cassette est dedans. C'est une cassette de Mario World avec un CD qui sort de là. C'est vraiment bien fait. Bref, c'est un case mod, donc vous ne pouvez pas l'acheter. C'est un mod de boîte d'ordinateur par QuangDX et Doops. Ça utilise une Super Nintendo et un Acer Aspire 1 A150. Ils ont créé le SNES PC Case Mod. Les ports de manette ont été convertis en adaptateur USB via un faux câble de contrôle de manette, qui transporte le signal USB. La cartouche est un lecteur CD, comme je disais, et les câbles sont branchés à l'arrière de la console. Bref, allez voir les photos, il y en a quand même pas mal sur lunechance.com. L'article s'appelle « I'm on to you, a Super NES, really a PC in disguise ». On parle de Transformers dans cette référence-là. C'est cool, j'aime ça. J'en ferais tellement un si j'avais du talent pour faire des affaires avec mes mains. Hein? Bref, il y a beaucoup de clients Twitter pour Windows, macOS, Linux, le iPhone, Windows Mobile et pas mal n'importe quel système d'exploitation moderne. Twitter qui est le système de microblogage, je vais pas l'expliquer à chaque fois que je vais en parler parce que ça va devenir assez redondant. Hein? Renseignez-vous, Twitter, T-W-I-T-T-E-R. Bref, est-ce que vous avez encore une vieille Commodore 64 dans votre garde-robe et vous voulez aller sur Twitter? C'est normal, c'est juste normal, je vous comprends. Breadbox 64 est un client Twitter pour la Commodore 64 et les ordinateurs 128. Bref, allez voir l'article pour retrouver le résultat. C'est vraiment pas joli, même si c'est plutôt affreux. Mais Breadbox 64 vous permet de voir tout ce que vos amis ont posté comme statut sur twitter.com. Vous pouvez voir une vidéo de Breadbox 64 en action sur l'article du www.chance.com. Ça vient de Download Squad. Ah tu sais, je crois qu'on est rendu à mon moment où j'ai fait jouer des vidéos et que tout ne fonctionne jamais comme il le faut. Je pense que c'est ce moment-là. Ce qu'on va entendre là, c'est le Keyboard Cat. La mode du Keyboard Cat, on la connaît. Je pense que ça a fait le tour pas mal. Il me semble que j'ai plus besoin d'en parler tant que ça. C'est où on voit quelqu'un faire une gaffe, n'importe quoi. Puis là, ben, c'est le Keyboard Cat qui est rajouté à la fin. C'est un petit chat qui joue du piano. Et puis ça fait comme bien finir la blague. Et puis là, ben, ça a été ajouté à des millions de vidéos sur YouTube. Ce que celle-ci a de différente, cette vidéo-là, c'est que c'est le Keyboard Cat mélangé avec du 8-bit et Mario. Donc, Mario en train de jouer, de mourir et de faire son game over. Tout ça avec le Keyboard Cat version 8-bit et c'est adorable. C'est ce qu'on va entendre tout de suite. Oh, la petite musique du Keyboard Cat. C'est joli. J'écouterai cette musique-là toute la journée, moi, en boucle. Sa petite finale, quand il fait... Bon, bref, le timing est pas malade dans la vidéo, mais allez voir ça quand même. C'est fait par Jude Buffum et la musique est par Dr. Octorok, que j'adore. Je trouve ça super cool ce qu'il fait comme musique. Le prochain, c'est toujours dans le thème de Mario, parce que j'aime ça, Mario. Puis celui-là, ben, c'est encore plus intéressant. C'est Greg Stewart qui utilise un hack avec une thérémine. Thérémine, c'est un instrument de musique. Je ne veux pas essayer d'être technique parce que je connais rien là-dedans. Mais c'est un instrument de musique où tu bouges tes mains dans les airs et ça fait des sons avec je ne sais pas quelle sorte de chant là, autour. Et bref, ça fait de la musique quand tu bouges tes mains. Ici, c'est Super Mario Bros. Contrôlé avec un hack, avec une thérémine. Il joue Mario Bros. Avec ça, dans les airs. C'est juste ça, puis il faut aller voir les vidéos. Mais bon, moi, je le regarde comme ça à la radio. Donc, la main droite contrôle les directions, gauche et droite seulement. Et là, il y a même un graphique à l'écran qui montre qu'est-ce que ça fait. La main gauche contrôle les sauts et tape aussi sur B pour lancer les boules de feu, par exemple. Et il saute avec sa main gauche. Ils sont d'accord. Les barres à l'écran montrent où sont vos mains relativement aux trigger zones. Les trigger zones, c'est là que quand tu arrives dans la zone, ça fait une action. Si t'es à côté, ça fera pas l'action. Bref, allez voir la vidéo sur le www.chance.com. Il se rend jusqu'à la fin du tableau. Donc, il réussit son tableau avec une thérémine. C'est comme l'instrument de musique. Dans les airs, on contrôle Mario avec des mouvements. Un peu comme le projet Natal de Microsoft, mais pas exactement pareil. Même pas du tout pareil. Et finalement, dernier petit vidéo, je dois vous mentionner que sur lunechance.com, je vous ai mis Late Night Natal, justement, parlant de ça. C'est les contrôles avec mouvement de Microsoft qui ont été dévoilés à l'E3, voilà de ça, quoi. C'est rendu déjà 3 semaines, le temps passe vite. Ils l'ont passé à la télé, c'est à l'émission Late Night with Jimmy Fallon sur NBC. Ils ont montré une démo du projet Natal avec des gens déguisés en rouge. Et là, on nous dit qu'ils sont pas habillés en rouge pour être plus facile à détecter, c'est juste parce qu'ils voulaient faire ça cute. Pas si je les crois. Bref, le projet Natal qui a l'air assez génial, cherchez N-A-T-A-L sur le Google pour en savoir plus. C'est assez facile à trouver. La vidéo de Mario avec la térémine est vraiment impressionnante. Là, je vous dis, allez voir ça. Assemblagerequis.com pour les liens de cette émission spéciale autour du net de CNX où on rassemble toutes les capsules autour du net de la session. Évidemment, on n'aura pas le temps de se rendre jusqu'au début de la session parce qu'on est parti de la fin de la session et puis on est revenu en arrière. Le reste va être dans une toute nouvelle capsule CN Extra sur le site web. Une capsule exclusive aimée par moi-même. Allez voir assemblagerequis.com très bientôt pour ça. Mais sinon, les liens de l'émission au complet sont déjà là-dessus. Tapez assemblagerequis.com. Tantôt, on va se rendre au début du mois de juin, justement, et la capsule qui vient de l'émission sur le 3-2009. Ça va être tantôt, mais pour l'instant, en musique. On s'en va entendre les incendiaires avec la menace digitale. Vous êtes à CNX, émission la plus geek de la radio, au 89.1 FM. We'll be right back. C'est les incendiaires qu'on écoute avec la menace digitale à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Restez là, au retour, quelques dernières capsules autour du net dans cette émission spéciale. C'est fou! Et bon, c'est la dernière demi-heure ou la dernière portion de peut-être 20 minutes de CNX, émission la plus geek de la radio. Cette semaine, c'est spécial autour du net, donc on passe les capsules autour du net de toute la session d'été. Hein, ça, c'est la capsule où on parle de choses qui se passent sur Internet. Je pense que le nom s'explique pas mal tout seul. T'sais, c'est les meilleurs sites Internet, les choses les plus drôles et puis le fun que j'ai vu sur le net pendant la semaine. Là, on remonte jusqu'au début du mois de juin. On s'en va entendre la capsule du 4 juin, mais avant de vous faire entendre ça, hein, je dois vous dire que la semaine prochaine, ça va être spécial Chiptunes. On va en reparler encore un petit peu tantôt, mais bref, on va écouter de la musique de jeux vidéo la semaine prochaine, donc soyez là et allez voir assemblagerequis.com pour les liens de l'émission de cette semaine sur Autour du Net et de la semaine dernière sur GoGo Gadget, en plus des capsules CN Extra où on rajoute d'autres chroniques que celles qu'on a passées dans l'émission. C'est sur assemblagerequis.com, mais pour l'instant, la capsule du 4 juin 2009. Dash.com. On fait le tour des choses que j'ai trouvées intéressantes sur Internet cette semaine, des choses qui vont certainement vous piquer un petit peu un certain intérêt, je dirais. Commençons par un blog sur Tumblr. Vous savez peut-être que j'aime bien Tumblr depuis plusieurs mois. C'est quand même très, très, très longtemps plus que ça que ça existe, mais j'ai commencé à aimer ça. C'est des blogs qui servent surtout à une affaire, tu sais. Genre, ça peut être, mettons, bon, tu sais, des photos de gens qui ont une érection à un mauvais moment, tu sais, j'avais parlé de ça à CNX. C'est juste n'importe quoi. C'est des photos, c'est des phrases, des poèmes, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, mais c'est comme des petits bouts de blog. Bref, celui-là s'appelle moviesinframes.tumblr.com. Tumblr, c'est T-U-M-B-L-R.com. Ici, on parle donc d'un seul film avec quatre images tirées de ce film-là pour le résumer. Et c'est tout. Vous pouvez lui conseiller, si vous voulez, au gars, un film, puis il va essayer de prendre quatre photos de ce film-là. Par exemple, Road to Perdition en 2002. Hamlet en 2000, Crybaby en 90, je vois sur la page d'accueil Pierre ou le fou de 1959. Un paquet de films comme ça, il prend quatre photos pour résumer le film, qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais, qu'est-ce que c'est ce film-là. C'est moviesinframes.tumblr.com. Sans réplique de film en 200 secondes, ou de quoi ça aurait l'air si, disons, RDS et son bulletin de sport faisaient un genre de highlights package pour des films populaires, et c'est ce qu'on va essayer. Comme à chaque semaine, quand c'est des vidéos, c'est ce qu'on va essayer d'aller entendre dans quelques secondes ici à CNX pendant que ça s'en revient comme ça. Tiens, le vlog. C'est fait par Liquid Generation. Good morning, Vietnam! You can do it! You slime me. Tora! It's in the hole! What'd you do? You'll shoot your eye out, kid. I am serious. And don't call me Shirley. There's no crying in baseball! Good! Forever. C'est évidemment les 100 meilleures répliques de films en 200 secondes selon Liquid Generation. Très bien fait, il y a tout là-dedans. Et... Jim Carrey est toujours très très proche. Bref, voilà, 100 répliques de films en 200 secondes. Allez voir sur lunechance.com pour le lien. Sinon, quelque chose que j'aime beaucoup sur Internet depuis pas mal longtemps, c'est les vidéos littérales. Hein? Pour des chansons, c'est souvent des chansons des années 80, le gars reprend ces vidéoclips-là et rechante la chanson par-dessus la musique, mais en décrivant littéralement les paroles, les mouvements qui se passent à l'écran. Dans ce cas-ci, c'est Total Eclipse of the Heart par Bonnie Tyler, version littérale. Creepy dollar window and what looks like a bathrobe, then it's in the shot of dangling balls. C'est toujours une excellente affaire à faire, les vidéos littéraux, je pense qu'on pourrait dire. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'adore voir. Allez voir lunechance.com pour le lien, c'est toujours le fun. Je cherchais c'est qui le fait, c'est quoi son nom au gars, je m'en rappelle jamais. Mais bref, il y en a plein d'autres, allez les voir. Sinon, j'espère que vous avez vu l'intro des Beatles Rock Band à l'E3. On va en parler tantôt plus en profondeur de l'E3, mais la vidéo d'ouverture fait par les Gorillaz. Avec plein de pièces des Beatles. Ah! Excellent message et excellente animation. Je vais pas vous laisser jouer tout ça parce que vous connaissez les pièces, puis on est quand même assez fou, tu sais. Mais bref, je trouve ça cool. En fait, on pourrait jouer plus de Beatles, hein, c'est fou, puis ça dérangerait pas bien grand monde. Hein. Bref, voilà, TheBeatlesRockBand.com est l'adresse pour aller voir la cinématique. C'est excellent et le jeu sort le 9 novembre. On en parlera tantôt dans le bloc E3 de CNX. Depuis pas mal longtemps à CNX, il me semble que c'est la mode de reprendre des extraits de films, des personnages de films, et les faire... c'était supposé arrêter, cette chanson-là, par exemple. C'était vraiment supposé arrêter. Bref, Han Solo P.I., c'est Magnum P.I. mélangé avec Han Solo. Et je pense que là, on peut le faire. Là. Tiens. On prend des génériques d'intro, mais on les refait façon émission de télé, comme le Magnum P.I. On voit les images de tous les personnages de Star Wars, l'un après l'autre. Ça fait très beau. Une bonne grosse minute de plaisir. Sinon, vous pouvez aller voir aussi Star Wars Dallas. Hein? Et Star Wars MacGyver. C'est la grosse mode en ce moment de refaire Star Wars en générique d'intro d'émission de télé. Mm-hmm. Voilà pour ça. Je pense que c'est pas pire pour les vidéos, tu sais. Il me semble qu'on a vu pas mal d'affaires le fun. Retournons à d'autres affaires qui ne sont pas des vidéos. Vous connaissez la troupe Improv Everywhere. C'est eux qui font là, à chaque... Souvent. C'est eux qui font souvent. Des tours pendables. C'est eux qui ont fait le Frozen Grand Central où tout le monde arrêtait de bouger. C'est eux qui font la journée où tout le monde se promène sans pantalon, genre dans un métro aux États-Unis. Ou c'est eux qui se font passer pour des employés d'un magasin d'électronique puis qui font juste être genre 80 employés à rien faire dans le magasin. C'est juste des blagues comme ça à grande échelle qui sont organisées par Improv Everywhere. Leur dernière blague, leur plus récente, c'est qu'ils ont fait une réception de mariage à un couple qu'ils ont trouvé au hasard qui se mariait à la mairie. Hein? Donc, si vous allez sur improveverywhere.com et que vous cliquez sur Surprise Wedding Reception, vous allez pouvoir voir... des vidéos, des images de comment ça s'est passé, voir comment ça a été organisé derrière, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'organisations derrière chacun de ces événements-là, et c'est toujours vraiment extrêmement divertissant. C'est une autre affaire que j'adore regarder, ça, Improv Everywhere, c'est dans mon top 5 sur Internet de choses que je trouve intéressantes. ImprovEverywhere.com. Ah tiens, meilleur site web de tous les temps, dit Geekologie.com, c'est peut-être vrai pour bien des gens. ExplosionsandBoobs.com, c'est exactement ça, des explosions et des seins. À chaque fois que vous visitez le site, on vous montre une explosion et des melons. C'est juste ça. Allez-y, essayez-le tout de suite. Explosions, avec un S, and boobs, avec un S. Et actualisez la page, actualisez encore et encore, et passez la fin de la journée là-dessus. Je pense que ça devrait être pas si pire que ça, mais fermez votre porte si vous êtes au bureau. Hein. Bref, explosionsandboobs.com. Google chasse les vedettes, un peu comme Twitter depuis toujours. C'est pas le seul réseau social Twitter à avoir un fétiche pour les vedettes. Donc, Google sort son obsession paparazzesque, si on veut, pour les célébrités. En lançant iGoogle Showcase, qui vous permet de voir et de partager les pages d'accueil de vos vedettes préférées. Là, présentement, sur iGoogle Showcase, il y a des vedettes comme Rachel Ray, la fille qui fait la cuisine, Al Gore, Katie Couric, Kevin Rose, des vedettes d'Internet aussi, hein? Kevin Rose, Ariana Huffington et Seth Godin. Bref, plein de choses à voir, les pages d'accueil de vos vedettes préférées, ou peut-être pas les vôtres, mais des gens connus. C'est une bonne façon d'avoir des gadgets pour votre page, sans avoir à en chercher trop. T'sais. Prenez les affaires des autres, ça fait une bonne page d'accueil. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les pages d'accueil de Google, c'est au google.com/i-google, donc la lettre I puis Google. Et puis là, ben, vous pouvez placer des nouvelles, la météo, horloge, des images, des vidéos YouTube, n'importe quoi. Tout ça, une recherche Wikipédia, n'importe quoi. Tout ça dans des petits gadgets qui s'intègrent sur une page d'accueil. C'est vraiment génial. C'est un peu comme NetVibes pour ceux qui connaissent le principe. Mais fait par Google. Et puis les entêtes sont très, très jolies. Il y a quelques temps, ils nous avaient présenté des entêtes faites par des artistes professionnels, les vedettes du dessin ou de la peinture. Bref, c'est le fun. Hey, Google! Sinon, vous êtes toujours dans le bloc autour du net où on parle des choses qui sont passées cette semaine sur Internet. Évidemment, le nom le dit. Hein, quand même. Sur Boing Boing Gadget, on parle d'une façon de faire imprimer vos photos sur des rideaux de douche. C'est un site web qui vous propose ça, donc je vais vous laisser aller voir l'article. Mais disons que ça a fait le tour d'Internet cette semaine et puis tout le monde est intéressé, on dirait, par ces rideaux de douche avec des photos souvent jolies, sinon de pervers. T'sais? Ça peut arriver ça aussi. La semaine passée, je vous avais parlé à CNX d'une couverture du magazine The New Yorker qui avait été peinte sur un iPhone avec un logiciel qui s'appelle Brushes. Eh bien, la vidéo de l'artiste qui l'a fait, Jorge Columbo, qui a peint cette couverture pour le New Yorker Magazine avec une application à 4$ sur l'iPhone qui s'appelle Brushes. Allez voir la vidéo de comment il a fait ça. C'est vraiment sympathique de sa part d'avoir enregistré cette vidéo-là. Sûrement qu'il savait que ça allait vraiment le pogner et devenir populaire sur le Ternet. Donc, allez voir lunechance.com, c'est dans les liens de la section autour du net. Tiens, vu sur le site Le Patrouilleur du Net de Dominique Carpin, dominiquecarpin.ca, pourquoi monter un band rock et s'embarrasser de lourds instruments lorsqu'on peut obtenir le résultat seul avec un iPhone? Hein? Pourquoi ne pas faire ça? Hein? Et puis là, pendant que je lis, je vais aller préparer la vidéo parce que je n'avais pas réalisé que c'en était un. Ici, on dit que c'est un artiste québécois qui a réussi à recréer Twist and Shout des Beatles en interprétant toutes les voix et en se servant des applications de son téléphone pour jouer de la batterie, de la basse et des guitares. Le résultat est très, très bon. C'était la capsule autour du net du 4 juin 2009, ici à CNX, émission la plus geek de la radio. Cette semaine, CNX présente les capsules autour du net de la section d'été. Il nous reste une dernière capsule, mais on doit se dépêcher. Donc, on va l'entendre, les Breastfeeders. Tout de suite, voici en dansant le ya à C'est fou 89.1 FM. Jeudi prochain à CNX, on est de retour complètement en direct avec une toute nouvelle émission sur le Chiptune. Vous entendrez des pièces de jeux vidéo ou inspirées par des jeux vidéo. L'émission la plus geek de la radio commence jeudi prochain à 11h. Commençons par Ghost Matrix, qui est une imprimante qui crée du texte brillant qui ensuite s'efface comme par magie. C'est le dernier projet de Jonathan Foote. C'est une imprimante à lumière qui crée donc des lettres qui brillent dans le noir et puis qui disparaissent. Faut aller voir la vidéo pour comprendre. Le concept est facile à comprendre, il me semble, mais la façon de le faire est plutôt compliquée. C'était supposé être un projet de fin de semaine. Ça a pris plusieurs mois avec plein de choses compliquées à comprendre que j'expliquerai même pas. J'essaierai même pas d'essayer d'expliquer. J'essaierai pas d'essayer. Hein? Voilà. Google Street View, vous connaissez le système où on peut voir les rues de différents endroits, différentes villes, différents pays sur le site de Google. Bref, leur technologie de reconnaissance faciale fonctionne plus qu'on le pensait parce que la figure du colonel Sanders a été flouée, qui est le mot que j'utiliserais, flouée sur les pancartes de Kentucky Fried Chicken de PFK sur l'Internet. Allez voir ça. Ceux qui disent que ça fonctionne pas, c'est pas vrai parce que ça fonctionne. C'est dit, selon le Daily Telegraph, Google dit qu'ils ont choisi de flouer la face du colonel Sanders parce que c'est une vraie personne, même si Sanders est mort dans les années 80. Mais bon, bref, allez voir ça, allez voir les photos. Unechance.com, section, truc cool. Christopher Locke est un artiste qui fait des fossiles modernes, qu'on appelle, avec des gadgets d'antan et même de récemment, hein, avec du ciment. Oui, il essaie de les faire pour qu'ils aient l'air vieux. C'est un processus très particulier. Il dit qu'il y a des ingrédients spéciaux. Ça ressemble juste à du ciment, même. Ça coûte entre 65 et 100 $ par fossile, mais vous pouvez quand même faire le vôtre avec juste un bloc de ciment et sûrement une télécommande qui ne fonctionne plus. On peut voir des photos d'une manette de Super Nintendo, de Nintendo 64, un gun de NES, un iPod même, et des disquettes. C'est très joli, allez voir ça sur lunechance.com. Et si vous aimez ça, commandez-en un. Ça fait beau, ça fait parler les gens. Tu sais, quand ils viennent chez vous, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. L'artiste allemand Simon Schubert plie des morceaux de papier pour faire des œuvres d'art. Par exemple, des escaliers dans ce cas-ci. Mais tu sais, ça a juste l'air vraiment d'être une œuvre dessinée à la main avec des crayons, mais non. C'est vraiment du papier plié. Moi, ça m'impressionne. Allez voir ça. Unechance.com. Une machine à rouler des dés. C'est pour, en fait, ça s'appelle le Dice-O-Matic. Hein? C'est utilisé pour rouler des dés pour une compagnie de jeux en ligne qui s'appelle Games by Email. Pour qu'il y ait vraiment des dés qui sont vraiment roulés à la place d'utiliser un programme ou un ordinateur pour le faire. C'est une machine de 7 pieds de haut, 104 livres de pesanteur et produit au-dessus de 1,3 million de roulements de dés par jour. Environ 80 000 sont utilisés pour des jeux. Le reste, je sais pas, pour le plaisir peut-être. En tout cas, allez voir la vidéo Dice-O-Matic sur unechance.com. Je trouve ça bizarre. Et là, tu vois vraiment le logiciel sur Windows XP. Le logiciel qui analyse les dés. C'est vraiment plusieurs par seconde. Là, c'est vraiment très rapide. C'est très cool. Le cube Rubik qu'on peut utiliser comme puzzle pour passer un petit moment à se creuser les méninges pour résoudre un cube Rubik. Mais c'est aussi un outil de design par Jas Baku. Ça fait partie d'un projet de l'université, de la Liverpool School of Art and Design, où les étudiants devaient produire une représentation visuelle du mot « bouger ». Donc, à la place d'utiliser des carrés de couleurs sur un cube Rubik, le Rubik's Font Generator donne, sur chacun de ses côtés, des formes qu'on peut bouger pour faire des lettres. Et puis ensuite, on peut étamper ces lettres-là sur du papier. C'est beau. On a créé ici la phrase « We have moved » avec des côtés de cube Rubik et le milieu est un rond, un carré ou n'importe quoi. C'est beau. Allez voir ça. C'est compliqué à expliquer, mais chaque côté a ses étampes que vous pouvez bouger comme un vrai cube Rubik. Puis ensuite, tu mets de l'encre dessus puis tu le mets sur un papier. C'est assez simple quand même, finalement. Je vous ai parlé récemment, je vous ai parlé de Muscle Madness, qui est un jeu de Namco dont tout le monde parle. C'est le buzz sur Internet. Bref, c'est sorti sur WiiWare au Japon. WiiWare, c'est la section de jeux qui sont faits seulement pour être téléchargés en ligne. Donc, on peut pas les acheter en magasin. Et là, c'est sorti au Japon, donc vous pouvez pas télécharger au Canada ni au Québec. Mais le premier vidéo de gameplay là, de quelqu'un en train de jouer à Muscle March, est sur YouTube. Hein? Donc allez-y, puis voyez ça. C'est assez parent comme jeu, c'est très très japonais. Je sais pas si ça va sortir aux États-Unis, mais bref, tout le monde parle de cette vidéo-là. Donc je vous la mentionne pour que vous fassiez ce que ça vous tente de faire, aller le voir ou non. Sur Boing Boing Vidéo, on parle de Dance Dance Emulation, qui est une pyro-parodie du jeu d'arcade populaire dans lequel on doit sauter sur des carrés, sur des flèches ou peu importe sur quoi, au rythme de la musique. Vous connaissez tout ça, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Mais ici, DDI, Dance Dance Emulation, c'est que vous jouez dans un habit qui empêche le feu de vous toucher. C'est un flame retardant suit. Si vous ratez un pas, on vous envoie une grosse flamme en plein sur le corps. Je sais pas, ça a été créé, pourquoi ça? Je sais pas. En tout cas, c'était à l'événement How to Destroy the Universe, qui est un événement de culture industrielle. Et allez voir ça sur Boing Boing Vidéo. L'article est sur lunechance.com. On vous montre de quoi ça a l'air jouer à ça. C'est cool. Si vous avez vu Ferris Bueller's Day Off, vous avez peut-être vu l'ami de la maison de Cameron Fry. Très étrange comme maison. Allez voir les photos. Vous pouvez l'acheter maintenant. Oui, 2,3 millions de dollars. Oui, c'est ce que le Daily Herald dit. Allez voir les photos et peut-être miser sur cette maison de Ferris Bueller's Day Off. Un jeu qui m'intrigue, moi, c'est la compagnie suédoise Studio A Different Game. Voilà, oui. Qui ont regardé trop de Ghost Hunters à la télé. Ils ont décidé de faire un jeu qui utilise la caméra de votre Nintendo DSi. Vous connaissez la nouvelle DSi, celle qui a deux caméras, une au milieu et une sur le couvert. Et là, vous devez chasser des fantômes et l'idée, c'est que vous voyez votre appartement dans le jeu. Donc, tu sais, la caméra prend votre environnement de travail ou votre environnement où vous vivez. Et là, vous devez chasser des fantômes dans votre appartement, ce qui fait que c'est encore plus épeurant. Ça s'appelle Ghostwire. Voilà. Ensuite, tiens, Katamari Damacy. Oui, vous connaissez peut-être le jeu. Vous devez contrôler une espèce de grosse boule qui ramasse des choses, là. Hein? Ici, ben, cette fille-là, hein, Kelly Farrell, a créé un nouveau projet. C'est pour jouer à Katamari Damacy avec une vraie boule. Je sais pas c'est en quoi, une boule optique pour faire avancer la boule dans Katamari Damacy. Donc, allez voir la vidéo dans la section trucs cool d'unechance.com. Et finalement, si on regarde la couverture du New Yorker Magazine, édition du 1er juin de cette année, 2009, c'est difficile de croire que ça a été créé avec une application qui coûte 5$ sur le Apple Store. Ça a été créé avec un iPhone. L'application est Brushes, 5$. Et là, vous pouvez peindre sur votre iPhone ou iPod Touch avec une variété de brosses différentes. Si vous avez un Mac, vous pouvez même exporter votre travail que vous avez fait en résolution jusqu'à 1920 par 2880 en très, très bonne résolution. Donc, la couverture du New Yorker a été créée avec une application sur l'iPhone. C'est juste vraiment, vraiment malade. Je trouve ça très cool. C'est la capsule du 28 mai, de ce qu'on appelle Autour du Net. Dans ce spécial Autour du Net de CNX, on a passé à travers une bonne grosse partie de la session d'été. Allez retrouver tous les liens sur le www.assemblagerequis.com. Il y a aussi une émission qui va accompagner celle-ci, une édition de CNXtra Autour du Net. La semaine passée, il y avait le spécial GoGo Gadget et l'émission qui l'accompagne de CNXtra GoGo Gadget. Bref, ça fait beaucoup de choses à aller voir sur assemblagerequis.com. On se retrouve complètement en direct la semaine prochaine. Au lieu d'avoir des capsules préenregistrées, on va être complètement en direct et on va écouter de la musique de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle du chiptune. Ça peut être inspiré par des jeux vidéo ou encore de la musique de jeux vidéo. C'est ce qu'on va jouer la semaine prochaine, jeudi à 11h. Donc, assemblagerequis.com pour les infos. Merci d'avoir été là. Et puis, je m'appelle Mathieu Plante. Et puis, bonne journée. Bye, on se quitte avec Mimi Van Der Glo. Et tu sais, à la semaine prochaine! Dash dot com.